Passion classique avec Mathieu Giroux. Composer une musique n'est pas si difficile que cela. On n'est même pas obligé de connaître l'instrument de musique, le solfège sinon. Composer une musique consiste à adapter son oreille et son environnement en décrivant par des sons ou des thèmes ce qui nous entoure. Emma a créé des musiques en art libre qui permettent de comprendre comment on crée une musique. Voici Blanest de Emma en 2004. Cette chanson se nomme exactement L'Arrivée. On peut deviner une horloge qui décrit l'attente de la plage, puis on écoute la plénitude de l'arrivée, l'attention portée par ceux qui voient cette plage. Voici les jeux de plage où l'on entend les pas de jeux de plage dans une vidéo visionnée au ralenti. Franz Schubert avait comme passion la chasse. On entend souvent une parade de chasse dans ses musiques. Ce qui est étonnant dans sa 9e symphonie, c'est que l'on peut associer le chasseur et l'animal, le chasseur et l'animal, devant être prudent, sauf au moment où l'animal est tué. Demandez toujours la démarche et la traduction des musiques ou chansons que vous écoutez. On est alors emmené vers le cœur de la musique ou chanson. La 9e symphonie de Schubert commence par un chant puis vient un flux sauvage. Thank you. C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.